Katiana. Kade ki jan wale kite mwen, Katiana. Pou ki rezon abandone mwen, Pabliye. Tout bel parol te kon pale, bel promes ou te kon fem, tout gatrou te kon ban mwen, ou la kem pou m depeli. Tout mon bon te kon pase, sou pas tou kon andire, ma pwante si ou pa sonje. E ya non kere, ke yo la sele, ke no la buske, ni ke me le pegue. E ya non kere, ke yo la sele, ke no la buske, ni ke me le pegue. Même le m'a dormi, c'est toujours vous-même qui est toujours devant. Hirondelle-moi, toute elle France, moi. Papa, j'ai oublié, c'est toujours vous-même qui est inspiration, moi. Toujours un même. Nous pas j'en fâche pour longtemps. Nous toujours d'amour tout côté. Gati ma chérie, tout temps m'a demandé où ça me café sans vous. Et y a non quiere, que yo la sele, que no la busque, ni que me le pegue. Et y a non quiere, que yo la sele, que no la busque, ni que me le pegue. Sentimiento. Ella no quiere, no quiere, no. Ella no quiere, no quiere, no. Ella no quiere, no quiere, no. Yes, man. Ella no quiere, no quiere, no. Katiana Belfort, moi. Petit bon connard, moi. Même la map dormi, c'est toujours vous même que moi. Ella no quiere, no.